France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles. Je m'appelle Marie-Pierre Pruvot. Mon nom n'a pas toujours été le même. J'ai commencé par m'appeler Jean-Pierre et c'est là pendant les premières années de ma vie et même de mon arrivée à Paris vers 18 ans. Et mon nom d'artiste de revue, c'était Bambi. Bambi, vedette de cabaret et femme trans qui n'aspirait qu'à une vie ordinaire. Marie-Pierre Pruvot, c'est son nom, et que vous venez d'entendre, n'a pas loin de 90 ans aujourd'hui. Elle a mené au moins trois vies. La première, flamboyante, dans la lumière des cabarets parisiens. La seconde, très loin des projecteurs, dans une salle de classe de la grande banlieue parisienne. La troisième, une vie d'écrivaine, de romancière, de sa propre histoire. Madame Pruvot, dite Bambi donc, affiche aussi à son tableau le fait d'être l'une des premières femmes trans publiques en France. Dans les années 50 et 60, elle a ouvert, avec quelques autres, un chemin. Elle fait partie de celles et ceux qui ont rendu visible l'existence des personnes trans. Aujourd'hui, leur situation se normalise doucement, ce qui n'empêche pas certaines forces réactionnaires de créer une panique autour d'un supposé activisme trans. Notre invitée aujourd'hui, Karine Espinera, co-autrice avec Modius Thomas du livre intitulé « Transidentité et transitude, se défaire des idées reçues » aux éditions Le Cavalier Bleu. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sylvie Fagnard, coordination Franck Cognard, chargé programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Notre histoire débute en Algérie. Nous sommes le 11 novembre 1935, en Grande Kabylie, pas loin de la commune de Bordj Menayel, à une soixantaine de kilomètres d'Alger. Ce jour-là, naît un enfant que ses parents prénomment Jean-Pierre. Une sœur de 3 ans, son aînée, complète la famille. L'enfant grandit, n'aimant rien tant qu'enfiler les robes de cette sœur, Jeanne, refusant qu'on coupe ses cheveux, traînant dans les jupes des femmes de la famille. Un gynécée composé de sa mère, de ses tantes et de sa chère grand-mère, culottière de son état, qui lui apprend les gestes de la couture et de la broderie. Oh, il y a bien aussi un père dans les barrages, mais comme effacé. Un mécanicien qui observe de loin son petit s'immerger dans le féminin, loin de la place que la société lui assigne. J'avais toujours une tante qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas ta place !» Je faisais la sourde oreille. C'était ma force, je répondais pas, comme ça on se fatiguait de me le dire. Et bien entendu, je savais, moi, d'instinct, que ce que je ressentais n'était pas normal, n'était pas admis, et qu'il fallait absolument que je m'enferme dans ma coquille, et j'étais enfermée dans ma coquille. Le fracas va pourtant entrer dans la vie de celui qu'on nomme encore Jean-Pierre, ce qu'il déteste depuis toujours, depuis qu'il a compris qu'il s'agit d'un prénom masculin. Le jeune homme, dont les traits délicats semblent s'affiner chaque jour, vient d'atteindre ses 16 ans. Pour qu'il poursuive sa scolarité, sa mère l'envoie en pension chez un oncle à Alger. L'homme tient un café et Jean-Pierre lui donne un coup de main. Le jeune homme fréquente le lycée, mais sèche tous les cours de gymnastique. La sueur et les vestiaires, la virilité en bandoulière, très peu pour Jean-Pierre. Et l'absurdité de sa situation, de cette peau qui n'est pas la sienne, lui saute alors encore plus aux yeux. Ce qui l'intéresse, loin de ses camarades et des salles de classe, c'est la vie que lui laissent entrevoir les clients du café, surtout ceux qui s'arrêtent boire un verre après un spectacle donné juste à côté au casino de la Corniche. Et un soir, c'est la révélation, grâce à une troupe d'artistes venus de Paris. La revue officielle du Carrousel de Paris, les plus beaux travestis du monde. Costume Laurie Azzaro, Yves Saint-Laurent. Chaussures, mode frison, chargeur. Parmi les artistes des carousels de Paris, une certaine coccinelle. Dans sa robe à mai, elle montre une ressemblance saisissante avec Marilyn Monroe. Son sourire, un aller simple pour Hollywood. Star pailletée, elle détonne parmi ses compagnons travestis. Dans les rues d'Alger, coccinelle fait aussi sensation, car elle porte ses robes à la ville, comme à la scène, à la différence des autres travestis de la revue. Et c'est la preuve par l'exemple. Il est donc possible de ne plus vivre cette vie-là, diminuée, obligée de taire son soi profond. Alors, l'idée de vivre comme une femme s'impose. Mais ici, à Alger, les rumeurs font si vite le tour. Alors un seul horizon paraît possible, la ville aux coccinelles semble jouir de la plus grande liberté, Paris. Voyage express chez sa mère, un bobard en poche, Jean-Pierre a une excellente nouvelle à annoncer. Il a rencontré à Alger un célèbre journaliste qui lui propose un petit boulot d'assistant. À Paris, oui. Le mensonge tient la route, mais le plan s'effondre rapidement. À peine débarqué dans la capitale, la perspective du carrousel de Paris, la seule envisagée avant le grand saut, lui est refusée tout net par le patron. Bien trop jeune pour travailler. Il faut attendre d'avoir 18 ans. Autre condition, présenter une lettre d'émancipation de la part des parents. Nous sommes au tout début des années 50 et la majorité s'acquiert alors à 21 ans. Alors, le retour à Bourges-Ménayel est morose. Il permet toutefois de briser le voile du non-dit. Oui, c'est l'heure des explications. Entre une mère désemparée qui dit qu'elle ne comprend pas, et son enfant qui réplique qu'il n'y a rien à comprendre, qu'il ne comprend même pas lui-même, mais qu'il est sûr d'une chose. Il veut être une femme et vouloir vivre comme telle. Le 11 novembre 1953, à 18 ans pile, Marie-Pierre est de retour à Paris. En femme, oui, vous avez entendu, Marie-Pierre. Oui, en femme, libérée de son apparence et de son prénom de garçon. Elle a choisi Marie parce que c'est joli. Elle se représente donc au carrousel de Paris, lettre d'émancipation en poche. C'est en réalité chez Madame Arthur, c'est le même patron qu'au carrousel, qu'elle fera ses premiers pas. Dans la France de l'après-guerre, où la télé n'a pas encore conquis les foyers, les Parisiens se précipitent dans les cabarets. Madame Arthur accueille à Montmartre toute une clientèle populaire, commerçants, artisans, qui viennent s'esclaffer au bon mot de Machlova, hilarant animateur au pyjama de Sainte-Rose. Ils viennent également humer l'odeur de scandale que répandent ces hommes travestis en femmes. Mais pour Marie-Pierre, qui prend alors le nom de scène de Cathy, hors de question de présenter ce genre de show qu'elle juge carnavalesque. Non. Elle se lance dans un numéro bien plus ordinaire. Une chanson de traînée. Un printemps à Rio, en l'occurrence. Elle reste immobile sur scène, figée par le trac, accompagnée au piano par un certain monsieur Gainsbourg, le père de Serge. Et pourtant, diaphane, sublime liane dans sa robe fourreau étincelante sous les projecteurs, elle ne va pas tarder à déplacer elle aussi les foules. On était dans un cabaret de travestis. Et donc on disait les travestis. Et nous étions des travestis. Mais au milieu des travestis qu'on a commencé à appeler les vrais travestis, on était donc des faux travestis. Alors nous on disait, mais nous sommes des femmes. Alors les travestis nous disaient, mais alors si vous êtes des femmes, vous n'avez rien à faire ici. Et ils n'avaient pas entièrement tort. De faux travestis. En 1953, la confusion est profonde entre homosexualité et transidentité, un mot qui n'existe alors dans aucun dictionnaire. Le travesti, le travelot, comme le désigne l'expression populaire et dégradante, est perçu comme un homme qui aime les hommes et revêt des atours féminins pour le plaisir de la parodie. Quant aux personnes qui, peu importe où leur désir les porte, ne se reconnaissent pas dans le corps où elles sont nées, on les met dans le même sac. Pourtant, dans certains milieux scientifiques, on étudie le phénomène depuis plusieurs décennies. Dès la fin du XIXe siècle, Karl Heinrich Ulrich, un Allemand, pionnier de la sexologie et de la cause homosexuelle, propose la formule latine suivante. Anima muliebris virili corpore inclusa, soit une âme féminine enfermée dans un corps d'homme. Tout est dit. À partir de 1910, un autre Allemand, Magnus Hirschfeld, parle, toujours en latin, de transvestite, puis de transsexualimus. Ce Magnus Hirschfeld va alors superviser ce qui est considéré comme l'une des premières opérations de réassignation sexuelle sur la personne de Lili Elbe, artiste danoise. Sauf qu'elle en meurt en 1931 des suites d'une grève d'utérus. Deux décennies plus tard, une autre personne trans fait les gros titres de la presse. Une américaine, Christine Jorgensen. Pour le plus grand plaisir des journalistes à sensation, elle a été soldat avant son opération par des médecins danois. Le New York Daily News peut ainsi titrer à la une « Un ex-GI devient une ravissante blonde ». Mais à Paris, les exemples manquent pour inspirer Marie-Pierre. Et encore, la peintre Michèle-Marie Poulain n'a pas encore publié « J'ai choisi mon sexe », un livre qui paraîtra dans le courant de l'année 54. Mais de toute façon, la doxa réprime ce qui sort du cadre hétéronormé. Le Paris libéré d'après-guerre fait la chasse aux homos et à tout ce que la morale de l'époque qualifie de déviant. En 1949, le ministre de l'Intérieur, Jules Moc, étend à l'intégralité du territoire un décret pris par le préfet de police de la Seine quelques années plus tôt. Ce texte interdit, et je le cite, « dans les bals publics et les cabarets, les attractions ou spectacles dits de travestis comportant le port de vêtements féminins par des hommes ». Et le même décret précise « au terme de cette même décision, il est fait défense aux hommes de danser entre eux dans tous les lieux publics ». Au micro de France Culture, Marie-Pierre ranime cette époque où elle risquait à chaque instant l'arrestation. On ne pouvait pas imaginer ce que c'était que l'ambiance de la loge de chez Madame Arthur. Il y avait une ambiance dans la loge et une ambiance en scène et dans la salle. La salle, on n'avait pas le droit de communiquer avec les gens qui étaient là. C'était interdit par la police. Personne, aucun artiste n'y allait, surtout quand on était mineur, ce qui était mon cas. Je me sentais bien. Cela dit, chez Madame Arthur, à l'époque, c'était des garçons qui vivaient en garçon. Qui vivaient, qui se rasaient, qui menaient leur vie, etc. Et qui, quand ils ont vu que je voulais vivre habillée en femme, même à la ville, etc., et comme ma camarade, et ils ont dit, mais ça va pas, jamais tu pourras faire une chose pareille, c'est une folie, tu te feras condamner par tout le monde, la police n'acceptera jamais. On était quelle année ? 53-54. Pour moquer l'interdiction des perruques, des faux seins et des talons hauts, les camarades travestis de Marie-Pierre se montrent pleins d'imagination. Les uns cachent leurs cheveux au moyen de bobines de raffia fixées par des bigoudis, les autres déambulent sur la pointe de leurs pieds nus. Marie-Pierre, elle, passe entre les gouttes. Elle quitte la revue de Madame Arthur pour intégrer celle du Carrousel à Paris. Une montée en gamme. Tous les soirs, des valets en habit accueillent une clientèle bien plus bourgeoise que celle du petit frère Montmartrois. Celle qui s'est fait toujours appeler Cathy à la scène est sommée de trouver un pseudonyme plus glamour tout de même, plus coquin, à l'image de sa nouvelle maison. Ce sera donc Bambi, en souvenir d'une figure de jeune fan offerte par un admirateur en guise de porte-bonheur. Un écho à la grâce que montre en représentation cette fine jeune fille, auréolée d'une chevelure brochée blonde, presque blanche. Parmi les gens de cabaret, elle a trouvé sa place et une famille de cœur. Il y a Capucine, sœur jumelle et confidente. Et puis, elle a conquis l'amitié de Coccinelle, celle qui lui a montré la voie. Et qui creuse la sienne, à sa manière, tapageuse et volontaire. Le spectacle, elle l'aime autant sur scène que dans la vie réelle. Tout le contraire de Marie-Pierre, qui aspire, elle, à être une femme ordinaire. Enfin, dit-elle. Mais elle s'amuse de l'audace de sa partenaire. Les spectacles de travestis sont interdits, on l'a vu, en faire la publicité aussi, évidemment. Et bien qu'à cela ne tienne, les belles passent leur après-midi dans les cafés de Grand Boulevard. Elles sortent en sisters, comme elles disent. De mèche avec les serveuses, Coccinelle se fait appeler au téléphone. Alors, le café retentit de son nom, Mademoiselle Coccinelle du Carrousel. Et tout le monde admire la splendide jeune femme qui se lève pour rejoindre le téléphone. Le soir même, on retrouve plusieurs de ses clients en cabaret. Marie-Pierre le racontera plus tard. Passer pour des phénomènes, ça nous permettait de vivre comme on voulait. Ainsi, en sécurité dans leur petit cercle, Coccinelle, Capucine et Bambi s'échangent des conseils. Elles font de leur corps un champ d'expérimentation. Guidées par le bouche à oreille du milieu du spectacle, elles testent la prise de différentes hormones féminines pour que grossissent leurs seins et que change leur silhouette. Certaines pharmacies, comme celle de la place Pigalle, leur délivrent sans ordonnance des boîtes d'ovocycline ou de distilbène. Mais dans les coulisses, les copains travestis s'effraient. Et après, quand ils ont vu les hormones, l'effet des hormones, on entendait dans des cris de temps en temps pour nous taquiner. Nous n'étions que deux à le faire à l'époque. On entendait une voix de temps en temps, l'un ou l'autre, qui criait « Les hormonées, elles crèveront dans d'atroces souffrances !» Pour nous faire peur du cancer, on disait que ça donnait le cancer de faire des hormones. Même pas mal, les filles en rient. En revanche, elles se montrent beaucoup plus circonspectes sur les opérations. Coccinelle tranche après la médiatisation internationale de Christine Jorgensen. Ce n'est pas pour nous. Un coup du destin va pourtant faire changer d'avis la plantureuse blonde. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Qu'on est bien dans ces bras-là. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. Qu'on est bien dans ces bras-là. C'est la vraie prière, la prochaine aime le prochain. C'est la vraie grammaire, le masculin s'accorde avec le féminin. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Qu'on est bien dans ces bras-là. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. Qu'on est bien dans ces bras-là. Certains jouent quand même les atouts de même couleur. Libre à eux, moi j'aime les valets pour les dames, les trèfles pour les cœurs. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Qu'on est bien dans ces bras-là. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. Qu'on est bien dans ces bras-là. Les creux pour les bosses, tout finit par se marier. Les bons pour les rosses, et même les colombes avec les éperviers. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Qu'on est bien dans ces bras-là. Aujourd'hui, Bambi, que vous venez d'entendre chanter. France Inter, Affaires sensibles. Paris, un jour de printemps. Les deux vedettes du carrousel, Bambi et Coccinelle, se promènent, élégantes. Au croisement d'une rue, une Vespa pile devant elles. La conductrice, jolie brunette de 16-17 ans, leur balance. Bonjour Coccinelle. Vous savez, je suis un petit garçon, ouais, comme vous. Bien. Deux ans plus tard, en 1958, fruit du hasard, Coccinelle retombe sur la même jeune fille, à Casablanca, qui lui annonce cette fois « Je suis opéré ». Ah ! La meneuse de revue est intriguée, elle cherche à rencontrer ce médecin dont on lui tresse les louanges. Il s'agit d'un gynécologue installé au Maroc, le docteur Georges Bureau. Coccinelle se laisse convaincre et passe sur la table d'opération quelques semaines plus tard. Dans les coulisses du carrousel de Paris, la patiente se montre ravie de son opération. Marie-Pierre, elle, hésite encore. En a-t-elle réellement envie? En a-t-elle réellement besoin? C'est une autre copine qui finira par la décider. Une certaine Régine qui lui fait des confidences précises et qui lui assure que le docteur Bourou ne l'a pas privée des plaisirs de la vie. En 1960, Marie-Pierre accepte de passer entre les mains du gynéco de Casablanca. Le grand saut. Un changement radical dans sa vie? Non, rien de tout cela, comme elle le raconte dans l'émission À voix nue sur France Culture. Rien de particulier, je vous assure. J'ai l'impression que c'est une succession de choses qui se passent naturellement. Ça existe. Ça fait deux ans que ça existe quand je m'y rends moi-même. Ça fait partie de la vie. Ça n'a pas tellement plus d'importance dans l'état d'esprit où je vais, que se refaire faire le nez, à vrai dire. Donc, Marie-Pierre ne sort pas transformée de cette opération. Elle vit en femme la nuit comme le jour depuis plus de 7 ans, donc rien n'a vraiment changé. Dans sa tête, elle reste ce qu'elle a toujours été. En revanche, un élément peut encore la trahir. Sa carte d'identité, qui est celle d'un homme. Largement suffisant pour se faire arrêter par la police. D'autant que la répression ne faiblit pas. En 1963, le nouveau préfet de police de Paris, un certain Maurice Papon, qu'on retrouve dans bien des mauvais coups dans l'histoire de ce pays, exige le renforcement de la loi pénalisant le travestissement. L'homosexualité, elle, a été désignée 3 ans plus tôt comme un des fléaux de la nation. Vous avez bien entendu, fléau de la nation. Mais la peur de la police ne fait pas tout. Marie-Pierre sait qu'elle ne peut pas rester Bambi toute sa vie. « Bon, j'ai quand même pas à vieillir sur scène », répète-t-elle. Non, elle cherche déjà une porte de sortie. Or, peu d'issues s'ouvrent aux femmes dont les papiers d'identité sont masculins. Oui, l'identité, c'est bien là toute la question, et pas seulement l'identité civile, officielle. Marie-Pierre le sait depuis qu'elle a posé un pied à Paris, en dehors des cabarets, il ne reste que la prostitution. Alors pour préparer son avenir, elle entreprend de demander une modification de son identité administrative. Ça s'est fait assez facilement, surtout en province. On disait par exemple, bon, c'est ce que j'ai fait en Algérie, j'arrive chez l'avocat, je dis voilà, à ma naissance, j'ai été déclarée du sexe masculin, je demande une rectification. Il me dit, mais naturellement madame, voilà comment ça se passait. Après le mariage de Coccinelle, il y a eu un blocage total. Alors certaines ont voulu à Coccinelle d'avoir tout fait bloquer par ces scandales, par ce mariage, etc. C'est-à-dire que les gens, j'entends parler des juges et des médecins, des gens qui ne s'étaient jamais intéressés à ça, tout d'un coup s'est dit, mais voilà, on pourrait se saisir de cette question, on aurait une autorité supplémentaire, je suppose que c'est comme ça, c'est scandaleux, c'est affreux, mais arrêtons ça, voilà ce qu'ils se sont dit. Alors ils ont bloqué autant qu'ils ont pu, et puis c'est difficile, il y a des choses qui sont imbloquables. Pour Bambi, le mariage de Coccinelle a eu pour connaissance conséquence la fin de la liberté dans les transitions de genre. D'ailleurs, revenons quelques instants sur cet événement. Le 16 mars 1961, Jacqueline Charlotte Duquesnoy, dite Coccinelle, épouse sous les vivats de ses fans et les flashs des photographes, Jacques Bonnet, un journaliste sportif. Une Cadillac noire conduit les époux à la mairie du 18e arrondissement, place Jules Joffrin, puis les amène à l'église Saint-Jean-de-Montmartre. La star des cabarets est bien décidée à jouer le jeu de l'amour convenable jusqu'au bout. Le clergé y consent au prix d'un tour de passe-passe bien catholique. C'est en tant qu'hermaphrodite, et non comme femme trans, que Coccinelle est autorisée à recevoir le sacrement du mariage. Une union médiatisée donc devant Dieu. L'audace réveille tous les conservatismes. Désormais, les mairies refuseront le changement d'état civil, et le Conseil de l'Ordre des médecins rappelle sa doctrine. Il s'oppose catégoriquement aux opérations dites de castration. La parenthèse de liberté ouverte par Coccinelle elle-même se referme. Mais face à l'adversité, les solidarités s'organisent. Et on voit poindre le début du militantisme trans. Il prend l'apparence, au mi-temps des années 60, d'un drôle de personnage. Il s'agit de Marie-André Schwindenhammer, chignon serré et œil sévère d'une directrice de pensionnat. Femme trans, elle aussi, elle affirme devoir sa transition à des injections d'hormones expérimentées sur elle par les nazis quand elle était internée au camp de concentration du Struthof. Cette histoire de transition involontaire tient difficilement debout, mais peu importe. En 1965, Marie-André Schwindenhammer fonde l'AMAO pour Association d'aide aux malades hormonaux et, ce faisant, construit le premier lieu d'écoute et d'accompagnement des personnes trans. Mais ni Bambi, ni aucune artiste du carrousel n'y adhéreront jamais parce qu'elles ne se considèrent pas comme des malades. En revanche, l'association se révèle une aide précieuse pour des centaines de personnes trans. Pas seulement grâce aux séances d'épilation définitive ou aux conseils autour des hormonothérapies qu'elle délivre dans son cabinet, mais parce que Marie-André Schwindenhammer est parvenue à négocier une immunité avec le ministère de l'Intérieur. Oui, un document d'identité délivré par l'AMAO, tout aussi valable qu'une carte officielle. dans une émission d'Antenne 2 intitulée « Aujourd'hui, madame », en 1980, on la voit expliquer le principe de cette carte à une jeune fille venue la consulter. Mademoiselle, voici votre carte. Elle a 4 volets. Le premier volet, c'est votre carte d'identité féminine avec votre pseudonyme féminin. Ici, c'est la carte, la photocopie de la carte d'identité. Ici, ce sont les explications pour les administrations, la gendarmerie et autres. La carte est une carte officielle, déclarée à la préfecture de police en 1965, parue au journal officiel en 1965. Je vais vous remettre votre carte. Elle est valable dans tous les pays et pour passer même les frontières. Et surtout pour trouver du travail pour auprès des patrons. Avec cette carte, vous pouvez passer partout la tête haute et pouvoir dire aux gens « Je suis une jeune fille correcte et parfaite. » Jeune femme parfaite donc et munie d'un changement d'identité officiel, Banvie continue à construire l'après-cabaret. C'est mai 68 et son effervescence étudiante qui lui souffle l'idée. Elle va intégrer la Sorbonne. À la rentrée de 1969, après avoir présenté en candidate libre le bac qu'elle n'avait jamais passé, elle découvre les bancs de la fac. Étudiante le jour, chanteuse la nuit, Marie-Pierre mène sa double vie. Elle se produira une dernière fois sur scène en Bambi fin août 1974, juste avant de rejoindre son affectation de professeur de français dans un lycée de Cherbourg. Et de laisser tomber le rideau sur sa carrière de star de cabaret. Deux ans plus tard, elle devient professeure titulaire dans un lycée de Garges-lès-Gonesse. Marie-Pierre Pruvot accomplit ainsi le destin dont elle rêvait petite, vivre une vie de femme ordinaire. Oh, elle tremble souvent de peur qu'on la reconnaisse, elle, la vedette des musicals. Mais ça n'arrivera presque jamais. Elle restera plus de 20 ans à Garges à transmettre son amour de Proust à ses élèves. À la même époque, si la question de la transidentité occupe de plus en plus souvent les débats au sein de la société, on est bien loin de la normalité vécue par Marie-Pierre. Après les premières opérations médiatisées, on tendait le micro aux gynécologues et aux andrologues. Désormais, ce sont les psychiatres qui entrent en scène. En 1980, le diagnostic de transsexualisme entre dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association des psychiatres américains. Il figure toujours dans la version en vigueur depuis 2015 sous la formulation « dysphorie de genre ». En France, la psychiatre Colette Chiland porte l'étendard de cette psychiatrisation des trans. Dans son livre « Changer de sexe », publié en 1997 puis réédité en 2011, elle qualifie les opérations de réassignation de « réponse folle faite à une demande folle ». Invitée en 1997 par l'émission « Questions d'époque » sur France Culture, elle livre une psychanalyse de la transidentité dont le niveau peut laisser pantois. Il y a une importance des relations avec le père et avec la mère, et j'ajouterai un autre terme. Les relations sexuelles que les parents ont entre eux, le couple qu'ils forment, est très important pour l'enfant. Ce n'est pas seulement la mère toute seule, c'est la mère, c'est aussi le père et le couple qu'ils forment, la nature de leur relation sexuelle. Il est assez frappant de voir que dans les familles où il y a un enfant qui refuse son sexe d'origine, qui est son sexe biologique, et qui est aussi le sexe sous lequel on l'a assigné à l'état civil, eh bien ces enfants ont souvent des parents qui n'ont plus de relation sexuelle. 1997, l'année où Colette Chiland publie son livre et propose cette analyse, le militantisme trans s'affiche au grand jour. Le 31 octobre de cette année-là, l'association Existrans organise la première marche où des personnes trans et intersexes défilent en réclamant une loi et des droits. Il faut dire que la situation est devenue intenable. Depuis l'officialisation de l'équipe pluridisciplinaire du psychiatre Jacques Breton dans un hôpital parisien en 1979, on pratique en France la réassignation sexuelle par opération, au prix d'un long parcours où s'enchaînent les consultations psychiatriques. Mais de fait, les cas individuels se font plus nombreux, tout en se heurtant à la transphobie d'État, parce que l'administration ne bouge pas d'un iota, les changements d'identité restent invariablement refusés. Au bout du compte, c'est l'Europe qui force la France à bouger. En 1992, la Cour européenne des droits de l'homme la condamne pour sa jurisprudence constante de refus des modifications d'état civil. Alors, au forceps, la doctrine change. Même si le changement d'identité est désormais autorisé, il est sous condition. Avoir subi une opération et une stérilisation. 20 ans plus tard, les militants de la transidentité obtiennent presque une autre victoire. Et nous sommes là, le 13 février 2010. Cette petite révolution est annoncée dans le journal de 8h de France Inter. La reconnaissance des transsexuels. La France est le premier pays au monde à reconnaître que ceux qui sont mal dans leur sexe ne sont pas pour autant des malades psychiatriques. Ça paraît incroyable, mais jusqu'à présent, la transsexualité était inscrite sur la liste des affections psychiatriques de longue durée. Il a fallu un trait de plume de Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, sous la forme d'un décret, Daniel Messager. La symbolique est importante, mais elle n'empêche pas les psychiatres de continuer à régner en maître sur les destinées des personnes trans. 2016 marque enfin la démédicalisation de la procédure de changement d'état civil. Dans les textes, du moins. Une loi votée cette année-là précise que toute personne majeure peut changer son prénom sur ses papiers par simple déclaration et qu'elle peut aussi demander la modification de la mention du sexe sans devoir justifier d'un traitement médical ou d'une opération ni même d'une stérilisation. Le chemin de croix ne disparaît pas pour autant pour les personnes trans. Elles doivent toujours se présenter devant un juge. À lui d'apprécier si les éléments apportés par le demandeur ou la demanderesse le convainquent d'accepter une modification de la mention du sexe. Cette modeste tentative de normaliser les parcours des personnes trans suffit à ranimer les paniques morales. Lancée en août 2022, une campagne de communication du planning familial provoque un torrent d'insultes transphobes. Sur une affiche, un homme barbu caresse son ventre dans lequel s'épanouit un fœtus. Slogan : au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. La France pour laquelle la famille se résume strictement à un papa et une maman, cette France qui défilait 10 ans plus tôt dans les rangs conservateurs de la Manif pour tous, trouve même à cette occasion des alliés inattendus. Elle proclame des convictions féministes et par une étrange pirouette intellectuelle, elle professe que la transidentité représente un danger pour les droits des femmes. Elle se dénomme les féministes, en référence à femelles bien sûr. Leur conviction, ce sont bien l'utérus et le vagin qui définissent une femme. Coincée dans une vision binaire mâle-femelle de la biologie que réfutent les spécialistes, elle dénie aux personnes trans leur identité. Comme ici. Sur le plateau de Quelle Époque, sur France 2, en novembre 2022, quand Léa Salamé demande à l'une d'entre elles, Dora Mouto, de poser son verdict sur Mariko, connue pour être la première femme trans à avoir remporté une mairie dans le département du Nord. La question, en fait, que vous posez, Dora Mouto, c'est est-ce qu'une femme, c'est forcément biologique ou est-ce que ça peut être un ressenti? Oui, en fait. Mais pour vous, Mariko, par exemple, qui est en face de vous, je vous ai raconté son histoire, Mariko, c'est une femme pour vous ou non? Non, pour moi, Mariko, c'est un homme. C'est un homme transféminin. C'est-à-dire que c'est une personne qui est biologiquement un mâle. On ne peut pas dire le contraire. Sauf que cette personne a des goûts, en fait, qui correspondent à ce qu'on appelle le genre femme. Donc, cette personne aime adopter un certain vestiaire, aime avoir une certaine place dans la société. Mais pour moi, en fait, le genre est défini par des stéréotypes. Face à la rudesse de l'attaque, Mariko ne perd pas son calme en plateau. Elle a depuis porté plainte contre Dora Mouto pour incitation à la haine. Une haine transphobe qui tue encore, comme l'illustrent tragiquement les suicides de plusieurs ados trans ces dernières années. Retraitée depuis 20 ans de l'éducation nationale, Marie-Pierre Pruvot paraît éloignée de ces débats incendiaires. Elle est devenue une institution. Faite chevalier dans l'Ordre national du mérite par Roselyne Bachelot, elle donne des interviews jusque dans les journaux pas vraiment versés dans la défense des personnes trans, comme les magazines Causeur ou Le Point, où elle confie ne pas toujours comprendre le militantisme trans d'aujourd'hui. Elle reste aussi une habituée des émissions de radio qui raffolent de l'entendre raconter son extraordinaire épopée de sa voix chic légèrement voilée. Elle aimerait qu'on parle plus de ses livres. Elle en a écrit 9, tous consacrés à ses souvenirs de cabaret. Sauf un, titré « France, ce serait aussi un joli prénom », un plaidoyer de la langue française. Et en introduction, une préface enthousiaste de Nicolas Dupont-Aignan. Marie-Pierre Prévost ne marquera peut-être pas la littérature, mais elle aura laissé une profonde trace dans l'histoire de la transidentité française. C'est aussi une grand-mère pour des milliers de femmes qui la remercient pour son combat en faveur d'une vie ordinaire. Elle est désormais, si l'on peut dire, un modèle du genre. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I'm a child. For today, today I'm a child. For today I am a boy. For today I am a child. For today I am a boy. For today I am a child. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Bambi. Notre invitée Karine Espinera. Bonjour. Bonjour. Vous intervenez dans les studios de France Bleu Brésil à Quimper, que nous remercions pour leur accueil. Vous êtes sociologue des médias, membre associé au laboratoire d'études de genre et de sexualité à l'université Paris 8, et vous avez cofondé l'Observatoire des transidentités. Vous êtes également l'autrice avec Modius Thomas du livre Transidentité et transitude, se défaire des idées reçues. C'est publié aux éditions Le Cavalier Bleu. Alors, ce qui frappe chez Bambi, c'est l'apparente, j'ai bien l'apparente, hein, l'apparente facilité avec laquelle elle a pu vivre sa vie de femme, changer d'état civil, en décalage presque total avec les blocages de la société de l'époque. Oui, absolument. Alors, sur cette question, est-ce que c'était véritablement simple ou pas? Moi, je répondrai déjà oui et non. Alors, oui, parce que on est quand même dans les années 50 et 60, c'est intéressant quand même de le replacer dans le contexte. À l'époque, il n'existe pas encore de protocole hospitalier, je veux dire, on n'accompagne pas les parcours, ou même pour aller plus loin, suivant les avis des associations, on les contrôle pas. Alors, cette question trans, elle n'est pas encore popularisée, et c'est, si je souligne, j'insiste sur ce fait, c'est parce que la visibilité est à double tranchant, on le voit à l'heure actuelle. Donc à l'époque, elle n'est pas popularisée, donc hormis évidemment quelques personnes, coccinelles notamment, bien qu'il existe évidemment des réseaux d'entraide autour de du cabaret, de la culture cabaret, comme le raconte justement Coccinelle et Bambi. Alors, par contre, sur le plan d'acceptation sociale, moi, je suis pas certaine qu'à l'époque, c'était pas le paradis pour les personnes trans. Je pense que si on était perçu comme trans dans l'espace public, ou on se déclarait trans, je pense qu'on prenait quand même de nombreux risques. Donc là, c'est plutôt non. Que vous inspire l'histoire de Bambi? Et j'ai bien de Bambi, hein, pas de Coccinelle, même s'il y a beaucoup de similitudes, mais elle. Alors, l'histoire de Bambi, ce qui est intéressant, c'est un parcours exceptionnel. Ça, c'est absolument clair, indéniable. J'ai envie de dire aussi que pour la, ce que je pourrais appeler la subculture trans, donc c'est quand je mets subculture trans, c'est pas du tout péjoratif, bien au contraire, mais en tout cas pour les personnes trans, les associations trans, etc., et dans ce qu'on pourrait appeler une culture de groupe, ça a permis à l'ensemble des personnes trans finalement de se trouver une aînée. Hein. C'est leur grand-mère, c'est leur grand-mère à toutes aujourd'hui. Voilà, c'est maman puis grand-mère, voilà, etc. C'est l'aînée et c'est une figure médiatrice très très positive. Bah déjà le parcours, sa personnalité aussi qui est très tranquille, qui est très qui est très posée. Et je pense que ça a été important. Excusez-moi. Ça a été très important en tout cas de l'avoir apparaître, de l'avoir raconté cette histoire-là. Je pense qu'elle a été très positive et son apparition aussi, elle s'intègre à un moment donné où dans les médias, cette image, la représentation trans, elle évolue aussi et elle arrive au milieu, voilà, dans ces documentaires à ce moment-là et c'est d'autant plus positif. Pour moi, c'est le regard que j'en ai en tout cas. Bon, alors on va arriver à la question qui brûle les lèvres, c'est-à-dire aujourd'hui. Hein. Alors on l'a vu dans le récit, une loi en 2016 a supprimé l'obligation de l'opération et de la stérilisation pour demander une modification d'état civil. Est-ce que ça veut dire que les parcours des personnes trans sont vraiment allégés aujourd'hui ? Alors, allégés... Ouais, enfin, pardon. Oui et non encore, mais c'est souvent le cas. Oui, hein. Mais c'est un petit peu ça la difficulté. Je reviens, déjà, il a fallu attendre, donc c'est intéressant de revenir sur les années 90, l'espace d'un instant, c'est qu'à un moment donné, il y avait une très très grande disparité, donc la France, elle est condamnée en 92, et donc les tribunaux sont, entre guillemets, doivent accorder des changements d'état civil. Mais c'était un parcours de combattant, et parfois vous pouviez mettre 10 ans dans ces démarches-là, en sachant qu'à l'arrivée, il pouvait y avoir un refus, pour un simple changement de prénom neutre, par exemple. Donc, et d'un tribunal à l'autre, ça changeait. Ça changeait. Il pouvait y avoir. Je crois qu'on peut aussi parler d'un effet guichet, d'une certaine façon. Donc, ça pouvait bien se passer à un endroit et ça pouvait être un cauchemar à l'autre. Aujourd'hui, depuis la loi de 2016, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver dans un tribunal où ça va bien. Enfin, en tout cas, engager cette démarche auprès des officiers d'état civil. Moi, les premiers témoignages que j'en avais eu, c'est que les gens disaient on est obligé d'aller avec les décrets parce que les gens, ils les connaissent pas, ils veulent pas les appliquer, ils ont peur. Ils comprennent pas ce qu'on leur demande, etc. Donc ça, c'était les premiers temps où les personnes trans étaient obligées d'arriver quasiment avec les textes de loi. Ensuite, le second temps, et là, c'est des témoignages récents que j'ai eus ces derniers mois, c'est des refus, par exemple, parce qu'on avait estimé que la personne ne faisait pas assez homme ou pas assez femme. Et dans ce cas-là, on ne juge plus un dossier, on ne juge plus une demande, on juge sur une apparence, ça veut dire si la personne, elle est crédible en tant qu'homme ou crédible en tant que femme. Et là, ça crée un nouveau problème. C'est toujours ça. Pareil, on se retrouve avec des disparités. C'est pas partout la même chose. Et quand les psys s'en mêlent, qu'est-ce que ça fait ? Ah, les psys. Oula. Ah bah oui. J'ai envie de dire, tout à l'heure, on a entendu parler donc de cette dépsychiatrisation en 2010. Moi, je suis très très critique vis-à-vis de ce qui s'est passé en 2010. Alors, évidemment, merci Bachelot, merci pour en tout cas l'effet symbolique qu'a eu cette annonce, mais ça n'a pas changé que le psychiatre reste la pièce centrale, hein, des protocoles hospitaliers, la pièce maîtresse, et que les relations entre les psychiatres, et pas qu'en France, et les personnes concernées, les associations, n'ont jamais été très très faciles, hein, et que souvent les associations, en tout cas dès les années 90, se sont vues opposer des fins de non-recevoir, hein, du genre bon vous êtes les usagers, mais les experts finalement c'est nous, donc c'est un peu nous qui avons la main. Voilà, la main sur la chose. Alors, est-ce qu'on peut résumer, reprendre, pour parler du postulat, avant le changement d'identité, on va dire comme ça, la phrase de Karl Heinrich Ulrich, cet Allemand, pionnier de la sexologie et de la cause homosexuelle, qui proposait la formule suivante, une âme féminine enfermée dans un corps d'homme, ou une âme masculine enfermée dans un corps de femme, ça va dans les deux sens. Est-ce que cette définition-là vous paraît la bonne ? Un bon postulat pour la réflexion. J'ai pas mal travaillé justement sur cette phrase que un certain nombre de personnes ont employé. Je pense qu'elle a une fonction. C'est les personnes trans d'une certaine façon, au moment donné où on leur elles doivent finalement expliquer ce qu'elles sont, comment elles se ressentent, comment elles se vivent, leur intériorité. Elles sont littéralement, on leur demande de démontrer l'indémontrable. Et pour arriver à cette pour démontrer cette chose-là, ben, on passe par des images, et je trouve que cette image du corps, ben, du coup, elle est très pratique, en même temps, elle est très décriminalisante. Hein, elle est juste. Est-ce qu'elle est juste? Alors elle est juste. Je sais pas. Je sais pas parce que je crois qu'il y a des personnes qui vont vous dire oui et d'autres vous diront ouais, non. Bien sûr. Mais enfin, enfermé. Il y a cette notion d'enfermé qui moi me paraît juste hein, vu de l'extérieur. Oui, oui. Du point de vue de la quand une personne trans, eh ben elle est dans la compréhension de soi. Alors déjà comme elle s'interroge tout à l'heure, c'est ce que disait Marie-Pierre Pruvot. Il y a quelque chose qui cloche, voilà. Et à un moment donné, on peut l'exprimer de cette façon. Mais c'est vrai que le sentiment d'être enfermé, du coup, à l'intérieur de soi et dans un corps qui finalement correspond pas, oui, je trouve que c'est très parlant, oui. Karine Espinera, on se retrouve dans quelques minutes après avoir écouté Angèle qui chante et cette circonstance, hein, le temps fera les choses. Quand on me parle de nous, évidemment, avancer sans toi et me dire que tout ça reviendra. Réouvrir les plaies en essayant de retrouver le passé et puis vouloir oublier et tout refermer. Oh, il y a des jours, je te jure, sont mes jours. Mes larmes coulent, j'en perds les mots. Il y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours, je t'attends et j'avoue que tout est de plus en plus long. J'aimerais parfois faire demi-tour. Le temps fera les choses. On verra si on ose. Perdre nos raisons pour retrouver. Dire que c'était mieux avant. Si on veut, on peut encore s'éviter longtemps. Une éternité qu'on s'aimait, on se hait. Mais on le sait, tout ne tenait qu'à enfuir. C'était déjà fragile. Mais c'est comme ça les familles. On peut s'aimer comme on se détruit. Oh, il y a des jours, je te jure, sont mes jours. Mes larmes coulent, j'en perds les mots. Il y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était. Mais il y a des jours, je t'entends et j'avoue que je m'en fais pour toi à mon tour. Nos désaccords nous rendront sourds. Le temps fera les choses. On verra si on ose. Perdre la raison pour trouver la maison. Mais le temps fera les choses. Tu m'as. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Karine Espinera, les évolutions de la société passent aussi par le champ lexical. Il y a de l'enjeu. À l'époque de Bambi, on parlait de travestis et de vrais travestis et de faux travestis. Puis il y a eu des insultes comme trablo. Puis on a utilisé le terme transsexuel, puis transgenre. Aujourd'hui, on parle, de personnes trans, de transidentité et de transitude. Quelles sont les différences, les nuances de ces mots-là? C'est intéressant cette question sur les nuances, parce que cette évolution du lexique est ce que j'appelle moi justement un glissement du lexique des transidentités. Mais en fait, elle raconte hein, cette histoire des transidentités justement, de leur expérience et du coup de leur lutte pour l'égalité des droits. Alors, donc c'est vrai qu'au départ on a le terme travesti qui nous vient quasiment du 16e siècle. Donc il a beaucoup servi. Alors après c'est vrai qu'au début du 20e siècle, et ça avait été rappelé tout à l'heure, la terminologie elle va changer. Et notamment ensuite avec les années 50 et 60 justement, où il y a toute cette terminologie transsexualisme, transsexualité et transsexuel avec David Caldwell, Harry Benjamin et d'autres sexologues et psychiatres. Alors, pour en arriver vraiment au cœur de votre question, du coup, c'est au début des années 2000 finalement que la terminologie médicale, donc, elle va être adoptée, parce que travesti finalement c'est très péjoratif. Ah oui, mais c'est vraiment connoté, c'est chargé, voilà, c'est très chargé, les gens n'ont pas forcément envie de, d'être défini et d'être nommé travesti. Donc, la terminologie médicale, finalement, elle tombe à un bon point. Et dans les, par exemple, dans les années 90, il était, les personnes préféraient, évidemment, qu'on les appelle transsexuels plutôt que travestis. C'était quasiment, il n'y avait pas de discussion sur le sujet. Et peu à peu, au début des années 2000, il s'est passé quelque chose, c'est que, cette terminologie médicale, elle a commencé à être contestée en deux temps et pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est que le suffixe, elle ramenait, donc, de sexuel, sexualité, sexualisme, elle ramenait toujours à la sexualité, et du coup, les gens disaient, mais oui, mais moi, c'est une question de genre, moi, c'est une question d'identité, et cette terminologie-là, elle me ramène à la sexualité. Et ça, c'était le premier moment. Le second, c'est que cette terminologie, à un moment donné, avec la politisation des associations trans, quand elles descendent dans la rue, elles revendiquent, qu'elles existent et elles revendiquent aussi des droits, donc elles deviennent un mouvement social. À partir de ce moment-là, cette terminologie, elle est jugée pathologisante, et ça marque aussi ce mouvement qu'on va appeler de pro-dépathologisation. Alors ensuite, pour ça veut dire cesser de considérer les personnes trans comme souffrant de maladies mentales. Donc ça, c'est réglé. Oui. Ok. Voilà. Et donc ensuite, donc dans cette période-là où la terminologie médicale est contestée, y a quand même des nouveaux mots qui arrivent. Donc il y a transgenre. Il a été forgé en plusieurs temps aux États-Unis dans les années 70 dans le monde anglo-saxon. Anglo-saxon essentiellement avant d'être importé en France. Dans le même temps, transidentité nous arrive d'Allemagne grâce au collectif support Transgenre Strasbourg. Et transitude. C'est plus tardif en fait. Et pareil, comme beaucoup de termes qui sont inventés par les personnes concernées, des militants, des associations, etc., c'est que les origines sont plurielles et elles sont difficiles à attribuer à une personne en particulier. Donc, ce sont des co-constructions, j'ai envie de dire. D'accord. Alors. Donc, transitude, c'est une traduction du terme transness. Et donc, il fait son apparition, en fait, dans le monde francophone. Alors, du côté d'une blogueuse qui s'appelle Miss Koala en 2014, de la BDI Sophie Labelle, qui fait toujours des super bandes dessinées, et du chercheur, canadien Alexandre Baril. Et transitude, en fait, fait référence à l'état d'être trans, fait référence comme attitude. À l'expérience de vie. Voilà. Alors, pardon de vous couper, mais comme le temps passe vite, pour nous, les gens de médias, par exemple, parce que c'est important aussi d'employer les bons mots, qu'est-ce que vous me conseillerez, par exemple, comme mot à utiliser quand on parle de cette thématique-là? Transidentité, transgenre, transidentité, bon. Transitude, vous avez tout bon. Bien. À l'heure actuelle, pardon de vous bousculer, mais ça passe tellement vite. Oui. À l'heure actuelle, il et elle, les personnes trans, subissent les attaques d'un mouvement qui se dit féministe, les féministes. Est-ce que vous pouvez nous restituer cette opposition nouvelle à la transidentité? J'ai un peu de mal à la comprendre. Oui, en fait, les origines, elles remontent déjà aux années 70 aux États-Unis, donc je passe un petit peu sur les détails, où un courant du féminisme radical a vu dans l'émergence, et donc en fait dans l'arrivée des personnes trans, un danger. Et donc, sommairement, l'idée c'était que les personnes trans, en fait, violaient le corps et la culture des femmes. Ah oui. C'était ça un petit peu cette idée. C'est aujourd'hui, on va ressurgir ce type d'idée, mais... Dans le cas, par exemple, français, on peut facilement avoir un certain nombre d'étapes. C'est depuis 2011, tout ce qui s'est passé autour des polémiques sur les manuels sciences et vie de la Terre, puis ensuite les ABCD de l'égalité, et puis le mariage pour tous et toutes. Et sans parler de la médiatisation des premiers mineurs trans dans les années 2014-2015, où des groupes ultra-conservateurs ont commencé à parler d'idéologie LGBT, puis d'idéologie du genre, et puis d'idéologie transgendérisme, je crois qu'on dit aujourd'hui. Et donc le mouvement féministe, en fait, s'est emparé de tout ça et construit un discours sur la base de faits divers. Sur la base aussi de théories conspirationnistes du coup venues des États-Unis, mais ça passe comme sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, on envoie toute cette haine dans une impunité, moi qui m'étonne, et à tel point que certaines actrices de ce mouvement féministe montent même des cagnottes pour passer leur journée à propager cette haine, et moi j'ai les bras qui m'en tombent, à vrai dire. Il y a de quoi. Karine Espinera, je vous remercie. Je rappelle le titre du livre que vous avez écrit avec Maudius Thomas, Transidentité et Transitude, se défaire des idées reçues, c'est aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci encore, au revoir. Je vous remercie, au revoir. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Bambi, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.